La jeunesse de Richelieu par Gabriel Hanotaux. Enregistré par Christiane Johan. Partie 2. L'évêque de Luçon, le député aux États de 1614. 3. L'évêché de Luçon. Le diocèse de Luçon avait besoin d'un bon évêque. Au XVIIe siècle, le pays était pauvre, stérile, fiévreux. Un voyageur qui, à cette époque, visita la contrée, nous la décrit dans les termes suivants. Luçon ne devrait pas être mise au rang des villes, si on ne considérait la qualité qu'elle porte d'évêché. Elle est située dans le bas Poitou, sur un petit ruisseau, au milieu de grands marais, qui s'étendent principalement du côté par où nous arrivâmes, étant éloignés de la mer seulement de 2 lieues. Aux environs, les chemins y sont entre 2 fossés, où souvent, si on ne prend garde à soi, on peut s'égarer par la quantité des chemins qui ne sont pas frayés et qui se dispersent en plusieurs endroits de ces marais pour aller à des petites chaumières qui sont la retraite de pauvres gens, qui ne vivent que d'un peu de blé qu'ils sèment sur la terre qu'ils ont tiré des canaux et des pâturages, où ils nourrissent quelque peu de bétail, et n'ayant point de bois pour se chauffer, ils usent des bousas de vaches séchées au soleil qui brûlent comme des tourbes. En un mot, je ne sais point de gens plus pauvres dans la France que dans les marais du Bas-Poitou. Ce voyageur, un certain Jouvin de Rochefort, écrivait à une époque de prospérité relative. On peut s'imaginer ce qu'était le séjour de Luçon et l'aspect de l'évêché dans les années qui suivirent les misères de la Ligue. Richelieu rencontrait du premier coup une tâche digne d'exercer sa piété et son génie. Il était pauvre, nous l'avons dit, mais il était fier et comptait sur lui-même. Il avait 23 ans. Il se mit à l'œuvre avec la décision qui était dans son humeur et qui est d'ailleurs si naturelle à cet âge. Il fallut d'abord s'installer commodément. À ce point de vue, il avait tout à faire. Laissons-le parler lui-même. « Je suis extrêmement mal logé, car je n'ai aucun lieu où je puisse faire du feu à cause de la fumée. Vous jugez bien que je n'ai pas besoin de grand hiver, mais il n'y a remède que la patience. Je vous puis assurer que j'ai le plus vilain évêché de France, le plus crotté et le plus désagréable. Mais je vous laisse à penser quel est l'évêque. Il n'y a ici aucun lieu pour se promener, ni jardin, ni allée, ni quoi que ce soit, de façon que j'ai ma maison pour prison. » Cette prison, il s'efforce d'en faire un réduit sortable et même honorable. La pointe de vanité qui se mêle à toutes ses actions se montre surtout par le soin avec lequel il s'applique à s'installer, à se procurer des domestiques faisant figure, du mobilier d'apparat, de la vaisselle plate. On sent qu'il est flatté de pouvoir écrire, après quelques mois de séjour, qu'on le prend pour un grand monsieur dans le pays. « Je suis gueux, comme vous savez, » écrit-il encore dans un mouvement d'un joli tour. « Je suis gueux, mais toutefois, lorsque j'aurai plat d'argent, ma noblesse en sera fort relevée. » On trouve dans toute sa correspondance avec une bonne amie, Madame de Bourges, les traits curieux d'une application au détail, d'une précision méticuleuse, d'un souci du « qu'en dira-t-on ?» qui sont comme les premiers linéaments provinciaux du genre de génie qu'il devait appliquer à la conduite de sa propre fortune et à la direction des affaires publiques. La correspondance de Richelieu contient aussi des renseignements intéressants sur tout ce qui touche aux facultés d'administration du jeune prélat. Ses intérêts en tant qu'évêque et baron de Luçon sont l'objet de ses vives préoccupations. Sa sollicitude s'étend à tout son troupeau. Dans la grande misère qui accable ses administrés, il essaie par tous les moyens de leur venir en aide. Il s'efforce d'obtenir des secours ou du moins des dégrèvements d'impôts et pour cela s'adresse un peu à tout le monde, aux personnes chargées de faire l'assiette de la taxe, aux habitants des villes voisines qui doivent supporter une part des charges communes, même au surintendant des finances, au tout-puissant Sully, près duquel il agit par l'intermédiaire du marquis de Richelieu, resté à Paris. Il faut souligner en passant cette première trace des relations qui bientôt se noueront plus étroitement entre le ministre de Henri IV et celui qui devait être le ministre de Louis XIII. Actuellement, Richelieu est le solliciteur. C'est dans les termes du plus humble respect qu'il s'adresse aux favoris du roi. Plus tard, les rôles changeront et les attitudes changeront avec les rôles. Le jeune évêque ne s'occupe pas seulement du temporel. Il donne au spirituel tous ses soins. Il met sa gloire à arracher de son diocèse l'ivraie qui l'obstrue. Selon les prescriptions des conciles, il fait à Pâques de l'année 1609 sa tournée épiscopale. Il organise partout des prédications de capucins, des oraisons et des neuvaines pour réchauffer à la dévotion et à la piété les âmes qui se sont refroidies. Il met un zèle particulier au choix de ses curés, tandis que partout ailleurs, ils sont nommés par la simple faveur ou sur la recommandation de personnes influentes, il décide que dorénavant, toutes les cures à sa collation seront données au concours, et malgré son désir d'être agréable à ses amis, il écarte ceux de leurs protégés qu'il considère comme incapables. La difficulté du recrutement le frappe, comme elle touche tous ceux qui ont à cœur les intérêts de l'Église. Il prend sa part dans ce grand mouvement qui va faire du XVIIe siècle le siècle catholique par excellence. Un des premiers parmi ses confrères, il songe à établir chez lui un séminaire. Henri IV lui recommande les jésuites. Le père Coton s'adresse à lui, invoquant la particulière bienveillance dont il honore la compagnie. Richelieu se tient, il est vrai, sur la réserve en ce qui concerne ces messieurs. Mais il n'en poursuit pas moins son entreprise et elle aboutira bientôt par le concours de Bertille et des pères de l'oratoire. Ce devoir de bon pasteur, Richelieu le poursuit en assistant aux conférences alors si à la mode où les apologistes de la foi catholique joutent contre les ministres protestants. Il s'efforce d'arranger les querelles qui divisent les gentilshommes de son voisinage et considère comme un devoir de sa profession d'empêcher par ses conseils les duels contre lesquels il dirigera plus tard toute la rigueur de l'autorité royale. On le voit encore adresser à des amis, quelquefois même à de simples connaissances, des lettres de condoléances, écrites dans un style bizarre et contourné qui montre tout l'embarras de la raison aux prises avec les sentiments. Rien de plus curieux à ce point de vue qu'une longue épître à une pénitente inconnue, qui sur le point de quitter le monde et ne se sentant pas la force de s'appliquer à la méditation religieuse, s'était adressée au jeune évêque. Elle lui faisait part du trouble de son âme et de la lassitude même physique que produisait en elle l'oraison et la contemplation prolongée. Il l'aide, la relève, la soutient avec les marques d'une attention plus forte encore que tendre. Il la supplie d'écarter tout effort, toute peine de l'œuvre de son salut. Il lui trace une ligne de conduite sage, modérée, adaptée à la médiocrité de l'entendement humain. Ses paroles sont claires, vives, pressantes. Elle ne s'embarrasse d'aucune érudition subtile, d'aucun élan mystique. Ce n'est pas le docteur qui parle au disciple, mais ce n'est pas non plus l'âme qui parle à l'âme. C'est plutôt le bon sens saint qui s'adresse à un sens fatigué et qui tâche de le réconforter avant de le lancer dans la voie pénible du salut et de l'amour de Dieu. On peut se demander si ces conseils, dans leur sécheresse, convenaient à l'âme blessée qui les implorait. On y trouve des prescriptions pour l'hygiène normale du cœur, mais non des remèdes pour le soulagement d'un cœur défaillant. Le miel de François de Sales et le sucre de Bertille eussent été plus efficaces. Cependant, il faut croire que dans ce siècle vigoureux, il y avait en France des femmes pouvant entendre un tel langage. Les clientes de Port-Royal et les fidèles de Bossuet l'eussent accepté probablement. Elles eussent écarté les épines d'une parole un peu rude pour atteindre les fleurs de sens et de droite raison qui s'y trouvent cachées. La réaction d'une personnalité aussi forte que celle de Richelieu sur les choses de la foi mérite d'être étudiée avec soin. Jeté par le hasard dans la carrière ecclésiastique, il trouvait dans la religion l'équilibre de l'esprit tel que le concevait un honnête homme de son temps. Il recherchait, dans le triomphe de l'Église, l'accomplissement d'un devoir professionnel. Enfin, il rencontrait dans l'organisation de la hiérarchie catholique et dans l'autorité qu'elle exerçait sur le monde un secours puissant pour sa carrière politique. À l'époque où il vivait, les croyances religieuses étaient, si l'on peut dire, le tout de l'homme. Or, quelques rares esprits indépendants, n'ayant à répondre que d'eux-mêmes et des caprices de leur propre entendement, en dehors de quelques sceptiques, les Montaigne et les Charron, tout homme qui prenait part à la vie du temps était tenu d'avoir une foi. Depuis un siècle, toute la politique de l'Europe tournait autour des questions religieuses. Non seulement on avait vu les États se jeter les uns sur les autres au nom de ces idées, mais dans chaque État, chaque citoyen avait dû prendre position et s'engager dans une croyance, non pas seulement avec sa conscience, mais avec ses intérêts, ses passions, sa vie tout entière. Le XVIe siècle avait établi cette maxime que le citoyen doit professer la religion de l'État auquel il appartient, Agnus Regio, Eius Religio. Et de fort bonne foi, on en était venu à confondre les hérétiques avec les rebelles. Seulement en pays protestant, ce nom s'appliquait aux catholiques, et aux protestants en pays catholique. Croire était un devoir civique. D'ailleurs, l'hésitation ne pouvait guère naître dans les esprits. Ils étaient ainsi faits qu'ils acceptaient la foi docilement, à peu près comme nous faisons aujourd'hui l'idée de patrie. Le caractère individuel ne se marquait que dans la nuance des opinions théologiques ou dans le choix des arguments invoqués pour défendre chacun la sienne. Au début du XVIIe siècle, la lutte était encore ardente entre protestants et catholiques. Un peu plus tard, elle se transforme et porte, en France du moins, sur les débats du gallicanisme et de l'ultramontanisme. C'est le temps des Richer, des Duval et des Bellarmin. Un peu plus tard, la querelle se raffine encore et c'est le jansénisme qui s'insurge contre le molinisme. On dispute sur les problèmes, pour nous si fastidieux, de la grâce, de la contrition et de l'attrition. Nous faisons un effort pour essayer de comprendre l'intérêt que nos pères portaient à leur étude. Il n'y avait pas alors un homme du monde, une femme, qui ne se passionnât pour leur solution. Les provinciales de Pascal devaient être le grand livre du siècle. Toute la vie sociale et individuelle aboutissait là, comme elles aboutissent de nos jours au dissentiment politique. Les problèmes qui nous remuent seront pour l'avenir un sujet d'étonnement, comme nous nous étonnons aujourd'hui des passions d'un siècle pourtant si rapprochées d'une autre. Le sentiment religieux était donc le grand ressort de la scène politique. Les ecclésiastiques y jouaient naturellement les premiers rôles. On citait les exemples du chancelier cardinal Duprat, du cardinal de Tournon, du cardinal de Lorraine, du cardinal Renaud de Beaune, du cardinal d'Ossat, du cardinal Duperron et de combien d'autres. Non seulement la direction des masses, l'autorité sur les rois, une sorte de situation cosmopolite, mettant à l'abri des revers de la fortune, était attachée à l'obtention des hautes charges de la cour romaine. Mais elle donnait en même temps la fortune, les riches prébendes, les abbayes, le rang et le pas sur les plus hauts dignitaires du royaume. Il fallait donc être croyant, il était bon d'être ecclésiastique. Pour les hommes qui n'appartenaient pas à la haute aristocratie domaniale, la suprême ambition était la pourpre. Un homme comme Richelieu, lancé dans cette voie, prétendait aller jusqu'au bout. Il avait sous les yeux la carrière du cardinal Duperron, dont la capacité médiocre, débutant dans l'obscurité de la polémique théologique, bataillant, écrivaillant, sur et contre les protestants, en était arrivé à s'emparer de l'attention publique, de la confiance du monarque, d'une autorité exceptionnelle à Rome et dans le royaume. La fortune du cardinal Duperron eut, sur la première partie de la vie de Richelieu, la plus grande influence. Nous l'avons déjà vu sollicitant les bonnes grâces de ce cardinal. Nous le verrons bientôt implorant son aide et se réjouissant de son approbation. Richelieu donne à Duperron le plus grand témoignage d'admiration qu'un homme puisse rendre à un autre, il l'imite. Comme lui, il aspire au mérite et à la louange de la chair et de la polémique. L'évêque de Luçon prêche et le docteur de Sorbonne écrit. Il le fait avec ardeur, avec courage, avec bonne foi. Il faut connaître la suite de sa destinée pour saisir, dans ce premier élan d'un zèle si pur, la préoccupation invisible, mais toujours présente, de ses ambitions d'homme d'État. Il avait déjà prêché à la cour. Les avis des contemporains diffèrent sur la valeur de Richelieu comme orateur de la chair. On peut dire en gros que tant qu'il ne se trouva pas mêlé à la politique, ses sermons furent goûtés. Dès l'année 1608, le cardinal Duperron, en sa qualité de grand aumônier de France, le désignait pour dire l'office et prêcher le jour de Pâques devant le roi. Par les termes mêmes de la lettre que Richelieu lui écrit pour s'excuser, on voit que celui-ci considérait déjà la chose comme toute naturelle. Les personnes compétentes avaient, en général, une bonne opinion des mérites oratoires de l'évêque de Luçon. Lors de la mort de Henri IV, le doyen de Luçon, Boutillier, de séjour à Paris, regrette qu'on ne lui ait pas confié le soin de prononcer l'oraison funèbre du défunt. « Uste este action digne de vous, lui écrit-il, si vous vous fussiez trouvé ici. » À la même époque, ce même doyen, écrivant à Richelieu, lui parle avec joie de la réputation que ses mérites lui ont acquise par toute la France. C'est l'avis de Duperron lui-même, et le complaisant abbé ne manque pas d'en prévenir son cher évêque. Monsieur le cardinal Duperron fait paroître en toute occasion l'estime qu'il fait de vous. Quelqu'un étant venu à vous nommer parmi les jeunes prélats et à vous louer selon la réputation que vous avez acquise, monsieur le cardinal dit lors qu'il ne vous falloit point mettre entre les jeunes prélats, que les plus vieux des voix vous céder et que, pour lui, il en désiroit montrer l'exemple aux autres. Il suffit de rappeler enfin, pour montrer combien cette opinion était unanimement partagée, que l'ordre du clergé réuni en 1614 dans l'Assemblée des États généraux allait confier bientôt à l'évêque de Luçon la mission de parler au nom de tout le corps ecclésiastique. La haute idée que l'on se faisait généralement des mérites oratoires de Richelieu paraît donc sérieusement établie. Mais il faut reconnaître que le goût de l'époque était loin d'être épuré. Il restait encore assez de la barbarie du Moyen-Âge et du pédantisme de la Renaissance pour qu'un bon orateur du temps de Henri IV fût très éloigné de la perfection du genre. L'ingende n'avait pas encore paru. Duperron, Richhomme, Coton tenaient les oreilles de la cour et de la ville. La plus grande louange était pour les plus compliqués, les plus chargés d'érudition fastueuse ou de pointes ridicules. La vigueur grossière et parfois acérée des prédicateurs de la Ligue avait fait place à la sécheresse pénible et ampoulée des premiers orateurs de cour. On mêlait volontiers dans un discours toute la mythologie profane à la géographie chrétienne, la médecine à l'histoire, Pline à Saint-Augustin. Nous voyons dans un seul et même sermon Jupiter s'émêler et le colosse de Rhodes accourir à l'appel du prédicateur pour expliquer aux fidèles le mystère de la nativité du Christ. C'était la mode. Richelieu n'échappa à cette influence. Il nous est resté de lui quelques rares sermons. Si ce n'était la bouche qui les prononça, on ne pourrait les lire. Ils sont pourtant sensiblement meilleurs que la plupart de ceux que nous a laissés cette époque. Ce sont bien encore les concetti, le gongorisme, le pédantisme et l'abus presque dégoûtant de la comparaison scientifique ou médicale, mais il semble qu'on y trouve parfois autre chose. Écoutons le jeune évêque s'adressant le jour de Noël aux fidèles de son diocèse. Verbum euro faction est. Nous lisons dans le texte de notre évangile que, lorsque l'ange annonça la naissance de Jésus-Christ, les pasteurs furent les premiers auxquels il s'adressa, et commit cette sainte nouvelle pour, après, répandre par le monde. J'ai cru, peuple catholique, que la divine providence, qui conduit toutes choses avec une infinie sagesse, en avait ainsi usé pour nous apprendre que c'est particulièrement à ceux que Dieu a établis pasteurs de son Église, à qui il appartient de faire entendre au peuple que le Fils de Dieu est venu au monde voilé de notre humanité pour nous ôter le voile du passé, qu'il est sorti du ventre d'une vierge pour nous faire sortir de nos misères, etc. Voilà pour les pointes. Toute la partie théologique du sermon en est ainsi hérissée. Mais tout à coup, le style s'échauffe, s'anime, prend vie, force et clarté. Le prédicateur se dépouille de son apparat théologique. Il se souvient qu'il parle au peuple, que ce peuple souffre, et que, pour oublier ses souffrances, il a besoin d'être soutenu, conduit, dirigé. Il se souvient que lui-même, comme évêque, a une mission politique, une mission sociale, dirions-nous. Sa raison et son autorité s'expriment en phrases brèves, nettes comme des axiomes, claires et vives comme des ordres. Dieu, par sa bonté, a tellement favorisé les armes de notre roi qu'apaisant les troubles, il a mis fin aux misères de son état. Nous ne voyons plus la France armée contre soi-même, épancher le sang de ses propres enfants. La paix est dans ce royaume, mais ce n'est point assez pour inviter le doux Jésus à venir faire sa demeure en nous. Il faut qu'elle soit en nos villes, en nos maisons, et principalement en nos cœurs. La paix publique s'entretient par l'obéissance que les sujets rendent à leur prince, se conformant entièrement à ses volontés en ce qui est du bien de son état. La paix se maintient aux villes lorsque les personnes privées se maintiennent modestement dans le respect qu'elles doivent aux lois et aux ordonnances de ceux qui ont autorité. La paix est aux maisons quand ceux qui demeurent ensemble vivent sans envie, sans querelle, sans inimitié les uns contre les autres. La paix est en nos cœurs lorsque la raison commande comme reine et maîtresse, que la partie inférieure qui contient le peuple séditieux de nos appétits obéit, et que toutes deux se soumettent à la raison éternelle de laquelle la nôtre emprunte ce qu'elle a de lumière. Ne voilà-t-il pas, en quelques traits, le futur cardinal ministre, le contemporain de Descartes et de Corneille ? Mais il n'oublie pas que ce peuple qui doit obéir a besoin de tendresse et de miséricorde. Il se penche sur lui et avec lui élève vers Dieu une supplication d'une belle venue, touchante et attendrie. Je proteste que j'emploierai si peu que j'ai d'esprit, si peu que j'ai de force, pour maintenir l'union de laquelle dépend notre conservation. Je vous conjure d'en faire autant, je vous conjure de me seconder en ces saintes intentions. Le Tout-Puissant bénira nos desseins, principalement si nous l'en supplions avec émotion. Seigneur, toute cette assemblée se prosterne à vos pieds pour vous supplier humblement de nous vouloir donner la paix en son âme, la paix avec son prochain, la paix avec vous. Elle dresse ses vœux vers votre majesté. Elle implore votre aide, sachant que vous êtes le Père de la paix, sachant que vous êtes celui qui la donne, qui la maintient et qui l'augmente. Bon Dieu, regardez cette troupe de votre œil de pitié, exaucez ses prières. Ce sermon, où se remarque déjà une si ferme conscience du rôle que devait remplir le ministre de Louis XIII, fut prêché probablement en décembre 1609, quelques mois avant la mort de Henri IV. 17 ans plus tard, dans un autre sermon, prononcé dans des circonstances autrement solennelles, nous retrouvons le même contraste entre l'affectation embarrassée du théologien et la fermeté éloquente du politique. C'était en 1626, 3 jours après la condamnation, 4 jours avant l'exécution de Chalais. Le cardinal ministre s'était senti pour la première fois sérieusement menacé par les intrigues de la cour. Le jeune frère de Louis XIII, Gaston, était le confident et le chef du complot qui venait d'être découvert et qui allait être puni. Gaston, s'exerçant à sa première lâcheté, avait lui-même dénoncé et livré les coupables. Il était encore incertain sur son propre sort, il tremblait. C'est alors que, à l'occasion de la fête de l'Assomption, Richelieu, se souvenant de son caractère ecclésiastique et cherchant à terrifier une bonne fois l'âme pusillanime du jeune prince, Richelieu, avant de donner lui-même l'Eucharistie au roi et à la reine-mère et à Gaston, réunis auprès de la Sainte Table, monte en chaire. C'est un sermon, d'abord, mais bientôt c'est une harangue politique. C'est une plainte hautaine, c'est une menace. Dieu descend non seulement en vous, sire, mais qui plus est, en la reine votre mère et en monsieur votre frère, qui vont le recevoir avec tous. Rien qu'il ne soit qu'un, il descend en vous trois pour vous montrer que tous ensemble, vous ne devez être qu'un en lui. Il vous unit en terre, vous, sire, et votre mère, et celui que vous tenez et traitez comme votre fils, fils qui vous doit aimer, respecter et craindre toute sa vie, non seulement comme son vrai roi, mais comme son vrai père, et qui ne peut faire autrement sans avoir lieu d'appréhender une seconde descente du grand Dieu sur sa personne, non en manne comme celle d'aujourd'hui, mais en feu et en tonnerre. C'est ainsi que tous les moyens sont bons à ce vigoureux ouvrier de sa propre carrière et de notre unité politique. La religion est une arme dont son ambition dispose, que ses calculs utilisent, et que son esprit, si réellement moderne, met comme instinctivement au service de sa politique. On trouve les mêmes préoccupations dans l'œuvre théologique de Richelieu. Il écrivit beaucoup. 3 ouvrages, dus à sa plume, parurent en son vivant, 2 après sa mort. Nous n'avons pas à les analyser ici, Mais puisqu'ils furent conçus et préparés durant ces laborieuses années de l'évêché, essayons du moins d'indiquer la direction que dans ce genre d'études se donnait à lui-même ce puissant esprit.